Bonjour, c'est l'heure du Mag d'Actu sur Radioactive. Merci de nous retrouver. À l'approche des vacances de printemps, vous cherchez peut-être comment occuper vos enfants et ou vos ados. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous éclairer sur les dispositifs jeunesse existants et proposés par la communauté de communes du Val d'Amboise. Et qui de mieux que Benjamin Renoux, coordinateur jeunesse à la Comcom du Val d'Amboise, pour tout nous dire sur les accueils de loisirs à votre disposition, la politique jeunesse, la bourse au projet ou encore le BAFA de territoire. Nous l'avions rencontré lors du forum des jobs saisonniers de l'alternance de Bléré, l'occasion pour nous de lui poser toutes les questions utiles, mais aussi pour lui de nous faire part de ses besoins en recrutement saisonnier. On l'écoute. Alors, maintenant, nous allons parler jeunesse. Et ça tombe bien, puisque nous sommes avec Benjamin Renoux, qui est coordinateur jeunesse pour la communauté de communes du Val d'Amboise, puisque maintenant, tout ce qui concerne la jeunesse est passé en compétence intercommunale. Oui, c'est ça, bien sûr, depuis 2015. Ah voilà. Oui, quand même. Ouais, depuis 2015, la Comcom du Val d'Amboise a récupéré la compétence enfance-jeunesse. Enfance-jeunesse, d'accord. Donc, ça comprend quoi, tout ça ? Alors, on a en gestion directe des accueils de loisirs. Ok. Voilà. On finance aussi deux associations qui gèrent des accueils de loisirs. Donc, la MJC d'Amboise et aussi Bulle de Môme à Saint-Ouen-les-Vignes. Oui, d'accord, qu'on connaît. Voilà. Mmh. Et donc, on a un service jeunesse. Donc, on a une structure d'accueil pour les jeunes qui s'appelle le Club Ado, qui est situé à Possé-sur-Cisse. Mmh. Et puis, autour de ça, il y a tout le développement de la politique jeunesse de manière générale. Donc, c'est de la coordination des acteurs jeunesse, donc les collèges, les lycées, on travaille avec les associations locales, on fait en sorte que, on va dire, il y ait une synergie entre les différents acteurs, qu'il y ait du travail en commun. Ça, c'est notre rôle de coordination, faire en sorte que s'il y a une action qui se fait par un acteur jeunesse, qu'il y ait une action similaire qui se fait avec un autre acteur, qu'il y ait au moins des liens entre les deux pour travailler ensemble, etc. Et de la cohérence. De la cohérence, voilà, donc ça, c'est notre rôle. On a aussi des dispositifs jeunesse qu'on gère en direct, donc on organise un BAFA de territoire qui est en cours cette année. D'accord. Donc ça, c'est la Comcom finance donc le BAFA pour des jeunes. On leur assure un stage pratique parce que c'est assez compliqué de trouver des stages pratiques pour le BAFA. Il y a énormément de demandes et peu de places. Donc on a une participation financière. On leur assure un stage pratique. On les forme au premier secours. Et en un an, ils ont le BAFA. Voilà. D'accord. Donc ça, on le fait tous les deux ans. On le fait pas tous les ans pour pas, on va dire, qu'il y ait trop d'embouteillage sur les stages. On a aussi alors un dispositif qui est en suspens en ce moment, la bourse au projet. C'est un dispositif qui est assez ancien, mais qu'on a réécrit et qu'on essaie d'adapter un peu plus aux enjeux d'aujourd'hui. L'engagement des jeunes, l'éducation à la citoyenneté. Donc là, c'est un petit peu de mal à redécoller, mais on va y arriver. C'est pas évident de susciter l'engagement, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit aussi chez les structures accueillantes. Ah oui. Voilà. Bah, souvent, les stages pour les jeunes, c'est des petites mains. Mmh. Voilà, on aime bien avoir des jeunes pour faire du boulot que des agents rémunérés auraient fait. Ouais. C'est pas trop l'esprit de la bourse au ouais. projet. Mmh. On est plutôt sur, on va dire, de l'intérêt général et de l'éducation à la citoyenneté. Donc voilà, c'est pas évident d'allier les deux, mais voilà, on est dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai parlé des réunions de coordination et puis on a aussi un fonds d'aide aux jeunes. Donc c'est un peu une enveloppe, un peu comme Envie d'agir, ce qui se fait sur le département. Oui. Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais à l'échelle de Val d'Amboise. Et puis voilà, moi je m'assure aussi de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre vraiment les accueils de loisirs et puis ensuite le collège. À Amboise, le territoire, la particularité c'est qu'il y a une ville-centre. Amboise, puis tout le reste c'est du rural. Et par exemple, un jeune CM2, il va à son école à pied. Et du jour au lendemain, il prend 40 minutes de bus pour aller à la cité ouais. scolaire. Il y a 2500 élèves. Mmh. La marche, elle est énorme. Mmh, mmh, mmh. Donc là, notre gros travail, c'est là-dessus. C'est sur la marche CM2, 6e. Donc on est en train de travailler pour mettre en place de la médiation par le sport. On fait des passerelles avec les écoles. Voilà. C'est une particularité du territoire. Il n'y a pas de ouais. collège dans le rural. Donc ça, c'est un gros morceau de mon travail aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez des offres à proposer ? Alors, on a des offres plus sur les accueils de loisirs, effectivement. On recrute pour cet été. On recrute aussi sur les petites vacances et puis même sur des mercredis en remplacement. Voilà. On a pas mal de mineurs qui sont venus nous voir. Alors, on peut prendre des mineurs à condition qu'ils aient commencé le BAFA. D'accord. Voilà. S'ils n'ont pas le BAFA, ça va être des majeurs. Et on peut recruter des non-diplômés à condition qu'ils aient un profil, par exemple quelqu'un qui est dans un club de sport, a déjà encadré des plus jeunes, quelqu'un qui fait de la musique, a déjà mis en place des ateliers avec des enfants, des choses comme ça. Donc d'accord. voilà, on peut prendre des personnes qui n'ont pas le BAFA à condition qu'il y ait un profil un petit peu comme ça, artistique ou sportif. Voilà. Est-ce que vous retrouvez des jeunes qui ont passé le BAFA, justement C'est le but. Ouais. C'est le but. On a des jeunes qui ont, par exemple, fait la bourse au projet dans des accueils de loisirs, qui derrière passent le BAFA, qui finissent par travailler chez nous. C'est un peu le but, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une continuité comme ça. Et parce que c'est comme ça, ce sont des animateurs qu'on connaît, qu'on a formés, et donc il y a une qualité derrière dans le travail. On sait à quoi s'attendre parce que c'est vrai que pour nous, hein, le critère premier dans le recrutement des animateurs, c'est la posture, le savoir-être, la maturité. C'est vraiment là-dessus qu'on recrute, quoi. Apprendre à mettre en place une animation, n'importe qui peut le faire. Par contre, voilà, la posture, le savoir-être, ça c'est autre chose. Donc voilà, en ayant tout ce cycle-là, ça nous permet vraiment d'avoir des animes de qualité, quoi, de proposer, on va dire, un accueil de qualité pour les enfants et pour les parents. Alors pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui sur ce forum et qui sont intéressés, comment ils peuvent vous contacter pour postuler sur ces offres estivales notamment ? Alors ils peuvent aller sur le site de Val d'Amboise, il y a les contacts, ou alors ils peuvent envoyer un mail directement leur CV. Alors c'est rh.ccva@cc-valdamboise.fr. Voilà, mais sinon ils vont sur le site de Val d'Amboise, il y a la partie avec des offres d'emploi. Oui, d'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Eh bien je vous en prie. Et en effet, sur le site de la communauté de communes du Val d'Amboise, en cliquant sur l'onglet « Grandir », vous retrouverez tous les liens utiles concernant l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, ainsi que les coordonnées des partenaires locaux de l'espace jeunesse. On remercie chaleureusement Benjamin Renoux pour sa participation à notre émission. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.